Tu me disais il faut qu'on fasse nos vies, qu'on trace l'idée m'angoisse. Je viens te parler des choses qui fâchent, qu'on se détache, le temps qu'on gâche à regretter le passé. J'ai peur de tout manquer, de passer à côté. Je viens te parler du temps qui passe, des liens qui cassent, le cœur se lasse. Quand tu me disais il faut qu'on fasse nos vies, qu'on trace l'idée m'angoisse. Je viens te parler des choses qui fâchent, on se détache, le temps qu'on gâche à regretter le passé. J'ai peur de tout manquer, de passer à côté. Je viens te parler du temps. J'ai pas vu le temps passer mais j'ai vu pousser mes rides, cherchant des oasis dans des déserts arides. À trop guetter dans le rétro, j'ai perdu le fil. À en faire disparaître l'amour un peu comme Copperfield. Je vois qu'au fil des nuits mes insomnies t'insupportent. Tu suffoques mes supports quand claque les portes. J'ai plus les idées claires à respirer dans la brume. Y'a que dans des nuages de fumée que j'y vois des clairs de lune. Yeah, au-dessus de ma dune, j'ai vu ce que l'homme était prêt à faire pour des thunes. Très peu d'études, pourtant j'ai eu le choix. Entre les profs et la rue, peut-être y trouver un peu de foi. Mais toutefois, j'ai du cœur délicat, un peu séducteur, éduqué. J'ai compris tes peurs et t'aimer, pour moi c'est le cas. Mais je suis aveugle comme un camé, dans ma vie décalée. À croire que finalement, j'ai je pas fait tout ce qu'il fallait. Je viens te parler du temps qui passe, des liens qui cassent, le cœur se lasse. Quand tu me disais, il faut qu'on fasse nos vies, qu'on trace l'idée m'angoisse. Je viens te parler des choses qui fâchent, on se détache, le temps qu'on gâche à regretter le passé. J'ai peur de tout manquer, de passer à côté. Je viens te parler du temps. C'est à travers tes yeux que l'amour m'a fait un signe. Car les bonhommes ne causent que la langue des signes. Du temps je perds, je t'observe. Ton regard de glace me renvoie le mal que je t'assène. Et le ciel gronde, veut faire chavirer ma barque. À croire que Cupidon s'est empalé avec son arc. À bout de souffle, notre relation manque d'oxygène. Forcément quand ça dérape, c'est l'un ou l'autre qui gêne. J'en garderai que des souvenirs, des bons, des mauvais au fond. Ce qui me plaisait, c'était ta façon de m'aimer. Même pas le temps de crier m'aider, que tu rappliques pour m'aider. Pour moi, plaider, je tombe, tu me relèves, estompe. Mes colères pour toi, c'est sommaire, ça joue sur ton sommeil. Ce qu'on a fait a donné raison à notre entourage. À construire un bateau sans je tenir compte du naufrage. Je viens te parler du temps qui passe, des liens qui cassent, le cœur se lasse. Quand tu me disais il faut qu'on fasse nos vies, qu'on trace l'idée m'angoisse. Je viens te parler des choses qui fâchent, on se